播了，播。 ma mère la visigothe, voilà, bois, voilà, bois. Chère moi ton sur un os. Prépare que ton gris gris donne de la force. Tu n'arrives pas jamais comme le pic avec prof. 30 000 euros en poste, pic ça me bosse. Charge à l'eau doit c'est ton clock. Nom d'un pimous, motherfuck, bomba clock. En escar droit en bas tu bloques. Les keufs te soulèveront à 6 o'clock.J'reviens en mode Manu le coq. J'suis passé sur NRJ, j'suis sous le choc. Haute seigneur tout le stock. La piraterie n'est jamais finie, voilà le boc. Y'a pas que t'as tout un con ligote. J'suis Attila le 1, ta mère la visigote. Gilette Mac 3 sous la glotte. Tout ça est noir comme Moussa Idiot.Pour le biscuit, ASP t'ouvre ses portes. Même si t'es calibré, pas sûr que tu en sors. Dis rien au bigot ni en morse. Ce steak se bend au poche, sous le Porsche. Bang bang. Posté comme un grizzly. J'ai le hit comme Michael Beasley. Y'a pas du miel dans ma grotte. Baby die, toi tu te fais fumer si t'es short.Par les couilles de qui t'escorte. Ils vont te lâcher comme quand t'es guerre qui t'escorte. Kaira de Ostending. J'ai mis ton croc-off dans les starting blocks. Street Air c'est tout le temps hot. J'ai un DR, ils ont merde, j'nique tout en bloc. Rien que tu roules en lock, tu chaînes, c'est tout en stock. Tu serais même pas un lady boy dans tout mon coffreTellement à sec, ton statut c'est pourvu qu'il flotte. Plus qu'on est les hommes, plus j'aime mon rote. La provenance appartenance, on s'en moque. La piraterie n'est jamais finie, voilà, fuck.